La croche oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission entièrement dédiée à la création sonore et aux musicalités inclassables des œuvres qui originent souvent d'expérimentations assez audacieuses, parfois savantes. Je vous propose ce soir une rencontre avec l'artiste Jocelyn Robert, un artiste interdisciplinaire de Québec dont la carrière rayonne aux quatre coins de la planète depuis une bonne trentaine d'années. Plusieurs d'entre vous auraient sans doute observé ses œuvres visuelles reproduites sur les grands abat-jours de la rue Cartier. Même si Jocelyn se définit depuis plusieurs années comme artiste interdisciplinaire, faut se rappeler qu'il a produit des installations, des vidéos d'art, un travail photographique qui est splendide, quelques textes réflexifs. J'ai tout de même la conviction que l'expérimentation musicale et la création sonore demeurent au centre de son code génétique artistique. Je connais Jocelyn Robert depuis très longtemps et les images que je conserve des débuts de sa carrière le montrent aux commandes d'une guitare électrique en compagnie de ses comparses poètes, sonores, facteurs d'instruments bizarres du centre d'artistes obscurs. Il y a de ça plusieurs années, manière de dire que le son lui colle à la peau pour rebondir aussitôt dans un projet artistique. Jocelyn Robert demeure un artiste important sur la scène sonore à Québec. Il compte parmi les initiateurs du Centre Avatar à Québec et il a aussi participé à la fondation de la coopérative Méduse. Il enseigne à l'École des arts visuels de l'Université Laval depuis plusieurs années. Sur le plan sonore, il a produit, c'est pas peu dire, une trentaine de disques compacts et il a participé à une multitude de performances et de spectacles. Alors, ce soir, grand plaisir pour moi de vous présenter cette interview que j'ai réalisée avec Jocelyn Robert il y a quelques semaines, à cette époque où l'on pouvait encore circuler librement dans les rues et dans les espaces publics. Jocelyn Robert a été très actif au cours des deux dernières années. Il a présenté une exposition au Centre Expression de Saint-Hyacinthe, une expo intitulée « Conjoncture » dans laquelle s'est retrouvée une installation intitulée « Mon père et moi », dont Jocelyn a tiré un album intitulé « Resident of Unit D », une pièce de piano préparée qui a pour thème la mémoire et sa fragmentation. Jocelyn Robert a également produit deux albums de sonorité qui, pour un premier nommé « La signature des choses » est constitué de musique pour piano, et un deuxième album nommé « Signatura » Rerum, constitué quant à lui de musique pour orgue à tuyaux. Tout ça concocté autour des technologies numériques. Voilà ce qui donne le ton au programme de ce soir. Sans plus tarder, rencontre avec Jocelyn Robert. Jocelyn Robert, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Jocelyn, ça fait déjà 4 ans qu'on s'est rencontrés la dernière fois. C'était autour du projet Beluga. C'est un projet qui amorçait là, un travail à la fois de l'image, beaucoup de l'image à l'époque, peut-être moins le son, parce que tu travaillais à partir, je pense, d'une trame sonore singulière à cette époque. Beaucoup de chemin parcouru. Et j'aimerais ce soir qu'on aborde ce projet que tu as réalisé l'an dernier, je crois, tu me corrigeras pour ce qui est des dates, projet que tu as expérimenté avec l'orgue Casavant du Palais Montcalm. Et j'aimerais que tu me racontes l'histoire de cette relation avec l'orgue. En fait, comme la plupart des projets que je fais, ça a commencé beaucoup avant, mais ça mûrit tranquillement, ça traîne dans le fond d'un tiroir ou dans le coin d'un cerveau, puis éventuellement, oh, ça émerge. Alors, il y a quelques années, je croise Martien Bélanger sur la rue. Il est de l'autre côté de la rue. Il traverse, il vient me dire quelque chose, c'est clair. Jocelyn, ça va t'intéresser de savoir que l'orgue du Palais Montcalm peut être contrôlé par ordinateur. Et c'est tout. Il me serre la main. Bonjour, bonjour. Ça m'est resté dans l'idée. Mais ça m'est resté dans l'idée. J'avais pas l'occasion à ce moment-là de développer un projet, mais c'est resté un peu plus tard. Et l'idée est ressurgie. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et j'ai simplement conçu, j'étais en résidence à Paris pour 2 mois, j'avais le temps de rêver à des projets un peu sortis du quotidien, cette idée-là m'est revenue, et j'ai écrit, écrit, on s'entend, on y reviendra, mais une série de pièces pour orgue, qui utilise le fait qu'on peut maintenant contrôler beaucoup de ces orgues récents par ordinateur. Mon intention à ce moment-là, c'était de mixer, parce que il y a comme une catégorie qu'on appelle la musique par ordinateur, puis une autre catégorie qu'on dit, il y a des instrumentistes, puis ça m'intéressait pas beaucoup, ça m'intéressait de voir entre les deux ce qui se passait. Donc, j'ai fait les deux. Il y a des segments que je joue moi-même sur un clavier. Je prends ces segments-là, je les modifie dans l'ordinateur, je reprends ces segments modifiés, je les rejoue manuellement, puis ça donne une espèce d'entre-deux où les deux peuvent participer, disons. Jocelyn, on n'est pas dans l'univers de l'instrumentation MIDI avec l'orgue. Est-ce qu'il y a un autre rapport technologique dans le travail que tu élabores? Bien, premièrement, techniquement, il est contrôlé par le code MIDI, mais c'est un peu comme avec le piano disque-clavier que j'ai beaucoup utilisé. C'est un instrument mécanique. C'est un instrument qui n'est pas électronique à la base. Donc, il y a nécessairement une négociation entre les deux. Il y a un code informatique qu'on essaie d'imposer à un instrument. L'instrument fait son possible pour répondre. Et en répondant, il invente, si on veut, toutes sortes de situations qu'on n'avait pas prévues. Et c'est entre les deux que le travail se fait. C'est entre la capacité mécanique puis la volonté électronique qu'il y a une rencontre. Jocelyn, si tu veux, on va écouter un premier extrait, un bel extrait substantiel de ton projet qui s'intitule Signatura Rerum. Et on reviendra ensemble sur la signification de tout ça. Thank you. Jocelyn, j'enchaîne sur le titre de l'album et également le titre des pièces, parce qu'on sent dans le travail de création que tu as fait pour l'orgue des références à des lieux. Il y a comme un esprit des lieux dans ce travail-là, puis j'aimerais que tu élabores là-dessus. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Mm-hmm. Tu as tout à fait raison. Et prenons les deux aspects séparément, c'est-à-dire le titre du disque et le titre de chacune des pièces. Le titre de chacune des pièces, comme je le disais tout à l'heure, j'étais à Paris, je travaillais sur une série de projets en même temps. À la même époque, j'avais réalisé une série de portraits photographiques avec une technique particulière que j'avais développée qui permettait de voir un portrait de plusieurs angles ou de plusieurs points de vue différents. Même chose avec des objets. J'avais fait une série de photographies d'objets qui considéraient les objets de plusieurs sources, références culturelles, etc., etc. J'essayais de le faire avec les lieux et j'échouais lamentablement. Mon idée, c'était qu'il devait avoir des portraits, des objets et des lieux. Mais les lieux, ça ne marchait pas. Donc, je travaillais là-dessus. J'étais à Paris, je travaillais là-dessus. Et en même temps, je travaillais sur ce projet. Et c'est assez typique de la manière dont je travaille. Ces choses-là se croisent toutes, tôt ou tard, puis s'influencent. Puis parfois, il y a des choses qui restent dans le tiroir. Parfois, il y en a qui prennent l'occasion pour émerger. Donc, chaque pièce avait rapport à des lieux que j'allais investiguer pour tenter de les représenter en photographie. Ce que j'ai fini par résoudre, mais c'est une autre histoire. Le titre de l'album lui-même, Signatura Rerum, vient d'un livre de Agamben, Giorgio Agamben, que je lisais à la même époque. Donc, encore une fois, toutes les choses que je fais s'influencent l'une l'autre. Il n'y a rien qui est en silo. Ça finit toujours par se contaminer. Et puis, une des choses qui m'avait intéressé, c'est à quel point, avant la méthode scientifique, on pensait par analogie. Alors, on voyait une feuille, c'est un des exemples qu'il donne, on voyait une feuille d'une plante qui ressemblait à un œil, puis on se disait, ben, ça doit être bon pour soigner les orgelets, ça. D'une certaine manière, je trouvais que c'était assez représentatif de cet effort entre le système informatique et le système mécanique de l'orgue, puis essayer de faire croire ou de se faire croire qu'il y a une correspondance, puis s'en servir comme terrain d'investigation. Écoute, on va faire entendre aux auditeurs une pièce que je trouve magnifique. Ça s'intitule « Rose et jaune et vert ». Thank you. Et Jocelyn, on vient d'entendre rose et jaune et vert. Il y en a tout de même aussi une version que tu as réalisée au Disclavier, je devrais dire ça comme ça. C'est un album qui, lui, s'intitule La signature des choses. Évidemment, on est dans le même univers, mais il y a tout de même une distinction à faire. J'ai pas réussi à savoir lequel était en écriture le premier geste initial. Et il reste que tu as distingué, tu as fait un distinguo là, dans l'utilisation des instruments pour l'écriture de ces pièces. Puis j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à cette conclusion. Ben, très instinctivement, j'ai travaillé beaucoup avec le Disclavier. J'ai commencé en 92 au Banff Center. Alors, c'est un instrument que je connais bien maintenant. Quand j'ai commencé à l'automne 2017 à faire les pièces pour orgue, j'étais tout excité. J'avais un bon simulateur d'orgue, si on veut. Il y a des bons logiciels pour ça maintenant. Donc, j'étais vraiment dans cet univers sonore-là. Je fais une série d'esquisses, je fais une série de pièces éventuellement. Puis quand j'écoute l'ensemble, je me rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent vraiment bien. Puis il y a d'autres choses où la rencontre justement entre la mécanique de l'orgue puis la mécanique logicielle n'est pas aussi fructueuse. Puis bon, ça reste un peu comme ça. Puis éventuellement, justement, la question de la différence entre l'orgue et le piano, le clavier, est apparue. Puis je me suis rendu compte, OK, ces pièces-là que j'ai faites qui fonctionne pas très bien, c'est parce que j'étais encore dans le mindset, dans l'attitude, dans l'approche du Disclavier. Je me suis simplement retourné, puis je les ai essayés sur le Disclavier, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était certaines préconceptions, disons, ou des choses comme ça, qui faisaient que j'étais allé dans une direction qui était plus proche de l'autre instrument. J'ai regardé l'ensemble, puis je me suis rendu compte que certaines des pièces étaient transformables, convertibles, disons, il faisait apparaître autre chose, évidemment, puis il demandait un peu de travail, d'adaptation, mais j'étais capable de les jouer sur l'un ou l'autre instrument de manière fructueuse. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, ah, ben, on va faire les deux côtés, puis ils se répondront. On va écouter un extrait de cet album, La signature des choses, et ça nous permettra de faire le pont avec Signatura Rerum. Thank you. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste Jocelyn Robert. On poursuit ça après un bref battement promotionnel. CKRL 89.1. Retrouvez Ariane Roy en diffusion sur CKRL. Le ciel ne tombe plus, il n'y a rien à craindre. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. La croche-oreille. Alors, rebonsoir tout le monde, c'est l'accroche-oreille, second souffle sonore qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site de l'accroche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Vous y retrouverez également les émissions antérieures en balado et puis le titre des pièces qu'on a fait entendre. Cela dit, on poursuit tout de suite cette belle rencontre entamée en première partie d'émission avec Jocelyn Robert, un artiste multidisciplinaire de Québec dont le spectre artistique est très large, mais grandement coloré par sa passion pour le son, les sonorités, les musiques. Jocelyn a créé des œuvres musicales, créé des œuvres en art audio, en performance. Il a réalisé des installations, des vidéos, des œuvres visuelles qui ont été présentées au Québec et à l'étranger. En cette période propice à la marche en ville, on peut d'ailleurs observer ses œuvres à loisir sur la rue Cartier, reproduites sur les grands abat-jours qui s'illumine le soir au-dessus de la rue Cartier. Jocelyn a rédigé des textes, dont un ouvrage, ma foi, monumental, intitulé « La danse des variables ». C'est publié chez Squint Press. Ben voilà qui est dit. Retour sur cette rencontre que m'a accordée Jocelyn Robert il y a quelques semaines autour de ses dernières créations sonores et musicales. Thank you. Jocelyn, j'étais vraiment impatient de te rencontrer pour qu'on parle de ton projet tout récent qui a été présenté à la Galerie Expression à Saint-Hyacinthe il y a quelques mois déjà. C'est un projet qui s'intitule « President of the United States », mais on peut lire en filigrane que c'est plutôt « Resident of the Unit D », « Résident de l'unité D ». J'aimerais vraiment que tu me racontes l'histoire de ce projet. C'est un projet très différent, très personnel. Mon père est vieux. Mon père a 97 ans. C'est pas mal. Puis c'est intéressant de voir comment la personnalité se transforme. J'ai côtoyé, évidemment, presque évidemment, d'autres personnes qui ont vieilli, que leur personnalité se transforme. Et c'est assez intéressant de voir à quel point la pensée ne se satisfait pas du vide. Quand une partie de la mémoire qui part, on la remplit, on fait des ponts avec ce qui reste. On reconstruit à partir de ce qui reste des logiques qui fonctionnent. Tant qu'ils ne fonctionnent pas, on les refait. Jusqu'au jour où ils fonctionnent, puis là, on vit avec celles-là. Et donc, le titre, juste pour revenir au titre, effectivement, President of the United States, si on en enlève des bouts, il reste quand même quelque chose et ça finit par faire du sens et ça s'appelle Resident of Unit D. Puis on pourra en enlever encore. Ce qui suppose aussi que quand on voit President of the United States, on en enlève encore beaucoup et il y aurait plus large. Je trouve ça intéressant que ça puisse aller dans les deux sens. Donc ça, c'est le vécu personnel, questionnement sur la mémoire, sur la reconstruction du sens à partir des éléments dont on dispose. D'un autre côté, en parallèle à ça, Marie-Josée Jean du Centre Vox organise un projet qui s'appelle Period Rooms à Montréal. Et un period room, c'est un musée de reconstitution. Alors, par exemple, celui dans lequel moi j'ai travaillé, c'était la maison Sir Georges-Étienne Cartier. Donc, c'est la maison où il a vécu. On reconstruit en tentant d'être à l'identique à une certaine époque, avec les contradictions que ça peut amener. Donc, j'ai fait un projet pour ce lieu-là. Dans cette maison-là, il y avait une salle de musique. Monsieur Sir Georges-Étienne Cartier était un passionné de musique. Il jouait lui-même du piano. Il avait composé à l'époque ce qu'il aurait espéré être l'hymne national du Canada. Ça n'a pas marché. Ça s'appelait « Au Canada, mon pays, mes amours ». Donc, on me demande de faire une pièce pour cette salle-là, pour cette maison-là. Il y a un piano qui date de 1845, qui est là, qui n'est pas jouable parce qu'il est trop vieux. Et au fil des explorations, je suis allé quelques fois, j'ai rencontré les gens de Parc Canada qui travaillent là, puis je me rends compte à quel point c'est fragile. Ils travaillent comme des fous pour essayer de garder quelques morceaux du passé qui pourront faire mémoire dans l'œil du visiteur éventuellement. Mais tu regardes les 5 chaises qui sont autour de la table, il y en a une chaise qui est une des chaises de M. Cartier, il y en a une autre qu'ils ont achetée dans une brocante qui date de la même époque, puis il y en a 3 qui sont reconstituées. Tout ça, c'est de la fausse mémoire, mais pour essayer éventuellement d'avoir un truc qui serait près de l'authentique. T'sais. Donc, j'ai voulu faire la même chose. J'ai mis des petits moteurs qui sont comme les moteurs dans nos téléphones, ce qui fait vibrer. Donc, c'est des moteurs minuscules. Je les ai déposés sur les cordes du piano et avec un système informatique. Au lieu de faire jouer les notes, j'ai fait jouer les moteurs. Et j'ai fait jouer la pièce de M. Cartier dans son piano, mais avec cette distance, en essayant d'augmenter la distance entre la main du pianiste et le résultat sur la corde. Donc, tout le système informatique, le flou des moteurs, tout ça qui se promène un peu parce qu'il vibre. Et c'était l'installation pour la maison sur Georges-Étienne Cartier. Il y avait aussi une projection vidéo, c'était une pièce spécifique. Mais le résultat m'est resté. Cette pièce-là semblait fonctionner, il y avait un potentiel là-dedans. De l'autre côté, il y a quelques années, mon père m'a donné son piano, qui est un piano un Heinzmann de 1897, sur lequel il a appris quand il était jeune, sur lequel j'ai appris quand j'étais jeune, et il y a une vingtaine d'années, mon père me l'a donné. Superbe instrument, mais qui est vieux, comme mon père, et qui, tranquillement, est difficilement jouable tel quel, la distance se crée. Donc, j'ai pris ce piano-là, et au début, c'était simplement pour développer la pièce pour la maison Sir Georges-Étienne Cartier, mais c'est devenu un instrument en lui-même. C'est-à-dire que ses résonances, le piano couché sur le dos dans mon atelier, comme mon père couché sur le dos avec des fils un peu partout, le portrait était tellement évident que c'est devenu un portrait de mon père simplement, puis il essaye de jouer de la musique. Et j'ai développé le système informatique qui fait que le piano joue en temps réel avec ses petits moteurs. En temps réel, le logiciel essaye de saisir des bribes de ce qui est joué et de les redire, mais avec une difficulté grandissante au fur et à mesure que ça passe dans le système informatique. Voilà. Pour conclure, Jocelyn, ça fait tout de même plusieurs années maintenant que tu réfléchis, que tu crées, que tu inventes dans le champ des arts sonores. J'utilise cette expression-là qui est très large parce que je t'ai vu en performance les premières fois, guitare à la main. Tu nous racontes cette histoire de piano avec ton père. Quel regard tu jettes sur ces 20-30 dernières années? Comment considères-tu l'évolution de ton travail? Est-ce que tu pourrais est-ce que tu arriverais à le caractériser? C'est drôle parce qu'il y a 3 jours, on m'a demandé de faire une présentation en 5 minutes de mon travail. J'ai été obligé d'aller comme à la source, puis essayer de voir, est-ce qu'il y a un lien qui passe à travers tout ça? Est-ce qu'il y a un fil rouge qu'on pourrait utiliser pour faire le chemin? Parce que typiquement, les gens vont dire, hey, Jocelyn, c'est génial, tu as publié un livre au Cartanier. Je pensais pas que tu étais aussi écrivain. Alors que je ne suis pas écrivain, pas plus que je suis musicien. Et donc, j'ai essayé de voir ce qui se passait. Et je me suis rappelé un travail que j'ai fait en 92. Je reviens au Banff Center, c'est drôle parce que on fait le lien avec l'exploration du disque clavier. À l'époque, je m'étais rendu compte qu'il y a des polices de caractère, là, qui sont, en anglais, on dit monospace. Je sais qu'il y a un terme en français pour dire ça, mais il m'échappe, là. Donc, c'est des polices dans lesquelles toutes les lettres ont la même largeur. Que tu prennes un I ou un W, il va prendre exactement la même place. Quand j'ai découvert ça, j'en tremblais presque. J'étais, mais qu'est-ce que c'est? L'alphabet rencontre la géométrie. Deux systèmes qui peuvent tout d'un coup se parler. Et j'ai fait une espèce de texte qui utilisait ce déplacement-là et où les lettres devenaient autre chose. Par la géométrie, elles devenaient d'autres types de constructions. Gene Randolph, qui publiait un livre qui était au Banff Center à l'époque, a vu ce truc-là. Il a dit, Jocelyn, est-ce que je peux l'utiliser comme illustration dans le livre? Je dis, bien sûr. Après, on peut bien me dire que je suis un illustrateur, mais ça n'a rien à voir. Ce qui m'a intéressé, c'est les rencontres de systèmes de pensée, de systèmes de langage, de systèmes de compréhension du monde. Ces systèmes-là sont toujours intéressants. L'alphabet ou la géométrie ou la musique ou les gammes sur un orgue, etc. C'est quand on les fait rencontrer avec un autre système que là, je suis vraiment intéressé. Et tu vois, je viens de découvrir qu'il y avait ça il y a 3 jours. Donc, je pense que je suis encore capable de faire quelques pas dans mon raisonnement. On reconnaît à tout le moins l'architecte ou l'intéressé d'architecture en maintenant en construction des constructions d'images, construction des constructions sonores. Jocelyn Robert, grand plaisir de t'avoir rencontré. Ça fait plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Ainsi s'achève la Croche-Oreille pour ce soir. Grand merci à Jocelyn Robert pour cette belle rencontre. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de la Croche-Oreille pour retrouver les émissions archivées ainsi que l'émission de ce soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. CKRL 89.1.